T'as allumé le micro? Ouais, c'est bon, là, ça enregistre. Ok, c'est parti. Bonjour, la nature n'est pas disponible pour le moment. Veuillez lui laisser un message après le bip sonore. Vous écoutez Radio Campus Grenoble et c'est l'école d'hiver du Cresson. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans cette émission spéciale réalisée en direct depuis le studio radio de l'école d'architecture de Grenoble. Alors cette émission a lieu dans le cadre de la 13e école d'hiver du laboratoire Cresson, qui est un laboratoire de recherche en architecture et dont les chercheurs et chercheuses travaillent sur les ambiances architecturales et urbaines. Cette année, notre école d'hiver, qui est une école thématique annuelle sur le sonore, porte sur les échos du vivant. C'est un thème qui nous a porté toute la semaine, durant laquelle on a un peu essayé de comprendre comment sonne le vivant en ville, à travers ses différentes formes d'expression dans l'architecture et les espaces du parc Jean Verlac, dans le quartier de la Villeneuve. Les participants de l'école d'hiver ont donc investi ce parc, qui est voisin de l'école d'architecture, pour expérimenter et créer autour de ces enjeux. Et puis on va, pendant une heure, découvrir leurs travaux, leurs expériences et leurs réflexions sur ce sujet. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par les échos du vivant. École d'hiver du laboratoire Cresson. Les échos du vivant, au parc Jean Verlac, à la Villeneuve. Radio Campus Grenoble, 90.8. Auditeurs, auditrices, vous allez entendre un premier son, une première composition, qui se déroule sur les heures de la journée. Au-dessus du lac, face B, la pastille sonore que vous allez écouter provient d'une expérience. Se rendre au même point d'écoute, au-dessus du lac de la Villeneuve à Grenoble, chaque heure, du lever du soleil à son coucher, de 8h12 à 17h21, le temps d'une journée, soit 10 séquences de 20 secondes. Ordre chronologique. 8h12. Thank you. 14h18. On entendait cette proposition sur toute une journée en attendant que la nuit tombe. Et voici une nouvelle proposition, cette fois-ci autour de cartes postales sonores. Jeanne, et peux-tu nous expliquer le dispositif que tu as mis en place ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à une immersion sonore et visuelle au cœur du parc de Jean Verlac. Mon projet s'intitule « Cartes postales sonores ». Capture l'âme de ce lieu à travers deux médiums qui se répondent, le son et le dessin. Sur place, j'ai d'abord enregistré les sons de l'environnement, les oiseaux, les bruits des enfants, des cyclistes. Ce sont des sons comme des instantanés, des morceaux de vie. Ensuite, j'ai croqué ces paysages sonores sur papier, mêlant esquisses et lignes de couleurs qui représentent mes déplacements lors de la prise de son. En écoutant ces 5 cartes postales sonores, vous pourrez voyager à travers ces moments et ces espaces. Chaque son est une porte ouverte sur l'atmosphère du parc, tandis que le dessin traduise visuellement ces instants, comme une chorégraphie entre l'oreille, la main et le lieu. Bonne écoute et belle promenade au parc Jean Verlac. On écoute donc 5 morceaux de 38 secondes chacun. Thank you. Nouveau groupe de travail, nouvelle proposition. Je crois que nous allons maintenant entendre une promenade à travers un personnage. Louise, quel est ce personnage? Comment l'avez-vous rencontré? Alors nous, on est partis dans le parc avec pour idée de trouver des chiens pour les enregistrer. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur un petit bichon tout blanc sur la place du marché. Donc ce petit chien, il s'appelle Nino. Et c'est lui qui nous a menés jusqu'à Violaine, une grande habituée du parc Jean Verlac et habitante de longue date de la Villeneuve. Donc on vous laisse avec une déambulation de quelques minutes avec Violaine et Nino. Vous savez à qui il est le chien? Non, à moi. Comment il s'appelle? Nino. Nino, c'est la star du marché. Oui, exactement, c'est la star. Tout le monde le connaît. Et moi, je le perds régulièrement. Mais il y a toujours quelqu'un pour l'appeler. Et c'est un petit chien très gentil. Il joue beaucoup moins qu'avant, mais il est ce que j'attends de lui à mon âge. Et vous, vous vivez à la Villeneuve? Oui, l'immeuble en face, avec les balcons ronds là. Mais j'ai vu le projet de la Villeneuve quand il était construit, j'étais étudiante sur Grenoble. Et ça paraissait un projet formidable. C'était très utopique, mais... Et c'est ça qui vous a donné envie de venir y habiter? C'était les prix. Ah oui. Et les appartements. Je donne sur Belledonne d'un côté, sur le Vercors de l'autre, donc c'est un décor superbe. Et le fait d'avoir un chien avec le parc en dessous, c'est facile. Vous connaissez d'autres propriétaires de chiens? Quand on a un chien, on ne peut pas ne pas connaître d'autres propriétaires de chiens. C'est-à-dire qu'on se reconnaît au chien, on se connaît, c'est beaucoup dire. On se croise, on défonce des trois mots sur nos chiens, sur le temps. Et vous connaissez d'autres prénoms de chiens dans le parc? Ouf! Il y a Tito, il y a Nautilus, il y a... Oh, j'ai pas une mémoire fantastique. Bon, il y a des chiens, puis je vois la réaction du mien. Je sais que celui-là, il est sympa, que celui-là, à la limite, pourrait lui sauter dessus. Il faut qu'on l'agresse ou qu'on cherche à lui prendre un truc qu'il a dans la gueule. Donc là, il va aboyer. Mais autrement, non, il est silencieux. Est-ce que vous avez déjà remarqué quand il aboie, est-ce que le parc de la Villeneuve, ça fait un écho spécial? Il a pas eu de voix assez forte, lui. J'ai pas vraiment étudié le phénomène de l'écho, à vrai dire. En tout cas, moi, je ne l'entends pas. Par contre, il y a d'autres chiens qu'on entend avant de les voir, qui aboient fortement. Et lui, non, c'est un petit chien de salon. Radio Campus 90.8. École d'hiver au Cresson à la Villeneuve. L'écho du vivant. On est toujours en direct depuis l'école d'architecture de Grenoble et on va écouter une nouvelle proposition. On accueille autour du plateau Alice et Sarah. Comment avez-vous interprété cette thématique des échos du vivant ? Eh bien, nous, nous sommes interrogés sur comment le vivant pouvait résonner à travers nous, mais aussi à travers les matières organiques et non organiques qui composent le parc. On écoute. Merci pour cette proposition. Comment avez-vous choisi de travailler les sons que vous avez enregistrés ? On n'avait au départ pas trop d'idées. En écoutant les captations, on était un peu déçus. On voyait bien que en fait, la matière ne répondait pas, la nature ne résonnait pas. Seulement, en fait, si on interagissait avec elle. Ce qui nous a un peu donné l'idée de créer une trame narrative où ce serait nous qui réveillons la nature, d'où le titre de cette production sonore qui s'appelle La Svelia, donc le réveil. Et on s'est basé aussi sur l'histoire du parc, à savoir qu'avant le parc était un marécage et puis petit à petit il s'est transformé. Et donc on est allé chercher en fait cette eau qu'il y a au fond du parc, cette nature donc qui se réveille et qui petit à petit remonte jusqu'à la surface, qui se cogne aux plaques d'égout et qui finalement arrive à capter le sonore dans l'air et non plus dans la matière. La thématique de cette école d'hiver, ce sont les échos du vivant. Je crois que vous, votre groupe, Julien, vous avez interprété ça notamment depuis le point de vue humain. Donc on a choisi d'aller interroger les humains sur cette thématique et on est venu avec la même question ou deux ou trois questions en demandant ce que les gens pensaient de l'ambiance du parc au niveau sonore, comment ils le vivaient et vous allez du coup entendre les échos de ce qu'ils pensent et de là où ils se trouvent. On écoute donc une proposition qui fait presque 4 minutes. Je passe par là, vous suivez ? Ouais. Allez, feu ! Alors c'est vrai que c'est un quartier, l'utopie c'était de créer un quartier avec une mixité sociale importante. Ça a été le cas un peu au début. Mmh. Et puis ça s'est vite cassé la figure, je pense. Notamment dans la politique d'attribution des logements sociaux, quand est arrivé à la municipalité M. Carignan. Oui, parce que bon, ces grands immeubles, la Villeneuve, ils ont mon âge, hein, ils ont été construits, voilà. Le problème, c'est qu'ils mettent un peu... Le problème, c'est qu'à l'époque où il y avait pas mal d'étrangers, ils les ont tous regroupés là. Les immeubles, les appartements sont magnifiques, hein, sur 3 étages, mais vraiment magnifiques. Le problème, c'est que ça se détruit. Ils ont tout redétruit. Enfin bon. En fait, moi, j'habite là-bas. Okay. Ici, je viens jamais. Parce qu'ici, il y a toujours trop de gens. Il y a les chiens. Okay. Il y a beaucoup de gens, ils se disputent, ils font des bêtises, ils crient et tout. Moi, je préfère les endroits chill, c'est pour ça que je viens pas là. Okay. C'est un des quartiers les plus chauds de Grenoble. Mmh. Ma mère, elle aime pas que moi et mes frères, on se pose ici. Des jeunes qui viennent, enfin des jeunes, oui, c'est souvent des jeunes, hein, qui viennent avec des motos, voire des voitures, faire un peu de rodéo dans le parc, voire brûler leur bagnole, voire brûler leur moto. Ça arrive, scooter, voilà. Après, voilà, on est sur un quartier qui est... Quand il fait froid, les motos, elles ne servent pas. Quand il fait beau, les motos, elles tournent. Et là, un mec, quand on voit, ça résonne. Ça, c'est du bruit. Moi, j'ai jamais vu de bagarre personnellement. On travaille le soir, on est là assez souvent quand même. Il y a une tension dans le quartier, c'est plutôt quand il y a la police, du coup, parce que tout le monde est un peu sur les dents. Enfin, tous les gens sont relagués, les jeunes sont. Alors, ça dépend des moments et des heures de la journée. Il y a des moments où c'est plus sympathique, tranquille, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Il peut y avoir des jeunes qui tournent en moto, des choses un peu plus compliquées. Mais dans l'ensemble, c'est un espace qui est très, très agréable et très, voilà, très sympa quand on a des gamins. Hein. C'est vrai que c'est vraiment bien. Mais il y a très peu de bruit. Il y a très peu de bruit ici. Dans le parc, il y a très peu de bruit. Donc, ça veut dire quoi? Quand il y a très peu de bruit, le moindre bruit, ouais, on l'entend. Dans toutes ces habitations, c'est pas simple, hein, on est dans de l'habitat social et pas toujours très simple. Et bien que les choses se gardent quand même, malgré tout, avec des difficultés. Hein. Nous sommes toujours en direct sur Radio Campus Grenoble et en direct de l'École d'architecture de Grenoble. Et on écoutait des points de vue depuis les humains. Je crois que le nouveau groupe que nous accueillons autour du plateau radio s'est posé la question depuis le point de vue du chien. Tout à fait. Et bon, comme vous le savez tous, on est toujours à l'école d'hiver au laboratoire du Cresson. Pour vous rappeler, c'est plein de gens qui se rencontrent avec la même passion autour du son. Alors nous, notre groupe, on a eu l'envie d'explorer, d'expérimenter et de s'amuser avec la thématique de cette année, l'écho du vivant, au parc Jean Verlac, qui en fait est un magnifique terrain de jeu d'un point de vue sonore. Mais alors on pourrait se poser la question... Et je pense que Victor a la réponse. Mais on entend quoi par l'écho des vivants? Alors ça, c'est une vaste question. L'écho du vivant, c'est avant tout être à l'écoute du vivant. Pendant toute cette semaine, on a eu beaucoup d'intervenants et de définitions de tout ce qu'on peut considérer comme étant le vivant et le son du vivant. Du coup, nous, on s'est dit que le vivant, c'était avant tout une diversité. Et donc comprendre cette altérité et ses échos, c'est se poser la question d'autres façons de percevoir d'écouter le monde. Et on n'est pas les seuls ni les premiers. Et non, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont intéressées à ces questions. Mais entre autres, il y a deux artistes sonores, Sarah Lana et Felix Blum, qui sont intéressés à cette question de déplacer l'écoute. Ils ont utilisé un dispositif sonore que moi je trouve assez chouette. Ils ont mis des micros au niveau des oreilles d'un animal, d'un chien. Ce système de captation, il est assez connu, assez à la mode. C'est du binaural, mais normalement, c'est sur des humains ou sur des têtes artificielles humaines. Ce système-là, on a trouvé que c'était un moyen assez joli d'appréhender le rapport humain-non-humain par l'écoute. Et nous, on a eu envie d'essayer, de prendre cette idée comme une invitation à jouer et à explorer tout ça dans le parc de la Villeneuve. Oui, alors c'est vrai qu'on s'est bien amusé, mais il faut quand même préciser que ces essais étaient un peu tumultueux. Donc peut-être pour vous parler un peu du dispositif, nous on n'a pas fait de binaural sur chien. Mais au début, on a fixé sur les colliers deux micro-cravates avec un petit enregistreur. Mais ce n'était pas vraiment convaincant, du coup on a changé de stratégie. Et on a installé deux HF, donc deux micros sans fil, de part et d'autre de la tête du chien. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des enregistrements plus intéressants et plus immersifs. Tout à fait. Et en plus, comme on est d'humeur un peu généreuse aujourd'hui, on va vous partager un même moment, mais capté de différents points d'ouïe. L'un venant du chien et l'autre de l'humain. Et comme guide d'écoute, on vous propose d'être attentif à la perspective sonore et aux positions des sources sonores les unes par rapport aux autres. Voilà. Allez, tu viens là. Jax. Et à ta place. À ta place, tout de suite. Donc là, c'est deux sons que vous avez pu entendre. Est-ce qu'on a envie de réagir ou pas dessus? A priori, non. Du coup, on aimerait quand même... Ah, si, Sacha voudrait réagir. On peut dire quand même que, en réalité, il y a deux chiens dans l'enregistrement et que celui qui porte le micro... Je pense que les oreilles les plus fines d'entre vous l'ont capté, qu'il y a de la stéréo dans l'aboiement de chien, ce qui n'est pas vraiment réaliste si on imagine que le chien a les micros sur le collier. Et du coup, en réalité, il y a deux chiens. Et dans le feu du direct, on a posé les micros sur un chien qui n'aboie pas, mais qui a rencontré un chien qui aboie. Et c'est pour ça qu'il y a des effets de spatialisation sur l'aboiement, alors qu'il ne devrait vraiment pas du tout y en avoir. Donc voilà, c'était ce que nos amis les chiens nous ont proposé lors de cette semaine. En tout cas, on aimerait les remercier. Donc remercier tous ces chiens consentants et leurs maîtres, Sherlock, Bart, Paton, Bingo, Nino et Youyou. Merci. On va poursuivre avec une nouvelle expérimentation qui va nous être expliquée en deux langues puisqu'elle a été réalisée par Jin, qui est d'origine coréenne et qui nous explique son travail en coréen puis en français. 안녕하세요. 우리는 프랑스에서 공간 디자인을 공부하고 있는 지인과 상민입니다. 저희는 그르노블을 돌아다니면서 도시와 공원의 소리를 녹음했고 모든 사운드를 한 번에 재생되게끔 작업했습니다. 제목은 Shots of Suki입니다. Suki는 한국어로 소리라는 뜻을 가진 단어와 발음이 비슷하여 소리를 잡다라는 뜻으로 제목을 지었습니다. Bonjour, nous sommes Jin et Sangmin. Nous étudions le design d'espace en France. En explorant Grenoble, nous avons enregistré les sons de la ville et des parcs, puis travaillé pour les jouer tous ensemble en une seule fois. Le titre est Chasse aux souris. Souris est un mot qui ressemble phonétiquement à souris en coréen qui signifie son. Le titre a été choisi pour évoquer l'idée de capturer des sons. Merci. On écoute. Vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Grenoble et il est temps, je pense, dans cette émission étonnante d'une petite pause musicale. On vous propose deux morceaux, l'un après l'autre, qui ont pour titre, tous les deux, « Musique pour un parc ». Tout le monde, deux propositions musicales qui, je crois, ont été réalisées à partir de sons assez proches. Mais pour ça, on va écouter l'un des auteurs de cette création. Sylvain, est-ce que tu veux nous expliquer comment vous avez, d'une part, collecté cette matière sonore qui ont permis ces compositions, et puis peut-être aussi comment vous avez composé ces musiques ? Oui, nous avons parcouru le parc pour la récolte de sons, et effectivement, nous sommes partis des mêmes sons pour les deux propositions, l'une étant plus axée sur la recherche d'une modification des tonalités, de façon à arriver à une proposition plus musicale, tonale, l'autre étant plus axée sur du concret. On reconnaît les bruits des percussions. Les conditions actuelles du parc sont que, effectivement, il y a assez à cette saison, il y a assez peu d'animaux produisant du son. Il y a beaucoup d'humains produisant des travaux. On a essayé d'exploiter l'ensemble en donnant l'ambiance, y compris la rencontre avec des gens plus ou moins intéressés et confiants ou avec nous, qui ont permis d'intégrer la composition. Est-ce qu'il y a eu des outils particuliers pour aller collecter ces sons ? Alors, on a fait la collecte de sons avec une parabole, habituellement utilisée pour pointer des animaux dans un espace complexe, sonore complexe. On pointe la parabole vers l'animal, ce qui collecte un son concentré. Par contre, dans la mesure où on a beaucoup de travaux, on collectait aussi dans le lointain les travaux, ce qui donne à la fois une matière au son et puis une certaine coloration un peu sombre. Est-ce que je crois que tu étais intéressé pour collecter un battement d'ailes d'oiseau ? Est-ce que c'est un son finalement que vous avez réussi à obtenir ? Alors la leçon de l'histoire, c'est que pour collecter des sons dans la nature, il faut du temps. Alors si on a un son a priori correspondant à un comportement animal particulier, On va attendre. N'ayant pu attendre, ce son qu'on avait entendu d'ailleurs les deux premiers jours, lors de nos enregistrements, n'est pas apparu. Dans la mesure où nous souhaitions faire une création musicale, on a pu remplacer mélodiquement. Mais c'est vrai que si on faisait un enregistrement éthologique, on était un peu court sur ce comportement. C'est-à-dire qu'il aurait fallu attendre. Radio Campus Grenoble 90.8 à la Villeneuve, au Cresson. Écho du vivant. On arrive à la dernière partie de notre émission. Pour ça, on va explorer avec les personnes autour de la table une expérience que vous avez menée. Et pour ça, on va d'abord écouter quelque chose. Partons, repartons sur les pas de l'écho du vivant, puisque c'est la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Écho, écos, du vivant dans le parc de la Villeneuve. Le vivant, ce qui naît et ce qui meurt, ce qui se met en mouvement. Le son, n'est-ce pas avant tout la conséquence d'un mouvement ? On traverse ce parc et on n'entend pas le vent dans les feuilles. C'est l'hiver. Il n'y a pas de feuilles. On traverse ce parc et on n'entend pas les insectes s'agiter à fleurs de boutons. C'est l'hiver, il n'y a pas de fleurs. On traverse ce parc et on n'entend pas les oiseaux qui babillent, chantent, gazouillent, jabotent, piaillent, piaulent et se font la cour. C'est l'hiver, il n'y a guère que quelques tristes corneilles. On traverse ce parc et on entend sa matérialité. Nos pas sur le gravier, la terre, l'herbe, la gadoue, la dalle de béton, le pavement de briques. On traverse ce parc et on se dit que le vivant, finalement, c'est nous. C'est nous qui, en nous mettant en mouvement, provoquons ce son dans l'architecture particulière de la Villeneuve qui nous renvoie alors notre propre écho. Et vous avez mené tous ensemble à la fois un travail collectif de collecte de sons, vous allez nous raconter, et en même temps vous avez exploré des créations différentes à partir de là. Myriam ? Oui, alors à la base, il y a eu Marie qui vient de parler dans ce petit texte qu'on vient d'écouter, qui a eu cette idée de diffuser un son produit de toute pièce par nous, en amont, de produire un son, de diffuser ce son dans différents endroits du parc et aux abords aussi du parc, parce qu'il y a aussi des lieux comme des cages d'escalier ou des coursives. Et que ce soit toujours ce même son qui soit diffusé à la même, au même volume avec une petite enceinte. Et les enregistrements se feraient à chaque fois à la même distance de ces petites enceintes. Et ça faisait comme une sorte d'idée un peu scientifique où en fait on a un protocole, on s'y tient, et c'est très cadré. Et en fait l'idée c'était de voir quel son, quel écho ça faisait. Comment le son il se transformait dans les différents environnements et les différents points d'écoute choisis en amont. Et donc ce son, il s'avère qu'il y a une chanteuse lyrique qui est passée voir deux d'entre nous, qui était une copine à deux d'entre nous, et qui est passée voir ce qu'on faisait. Et on a descendu dans le sous-sol de l'école et on l'a enregistré dans le garage, la salle de répétition qui s'appelle le garage, répétition de musique. Et donc là, on a enregistré cette chanteuse lyrique et on lui a demandé différentes choses. On lui a demandé à la fois des sons continus et aussi des sons courts. L'idée, c'était d'avoir à la fois des sons qui se tiennent comme ça sur la longueur et aussi des sons très percussifs. Donc voilà, elle a improvisé et on en a sorti une petite phrase musicale qu'on a diffusée de cette manière-là. Et donc, Marie en a fait un montage, et moi, j'en ai fait un autre à partir de ça. Et ensuite, on donnera la parole à deux autres de notre groupe, Lana et Paul, qui ont tiré de cette consigne, qui sont allés dans un peu une autre direction. Mais pour l'instant, donc, on va écouter les sons montés à partir de ces enregistrements de cette chanteuse lyrique. Donc d'abord Marie qui a fait un montage en s'en tenant vraiment au protocole, c'est-à-dire toujours la même hauteur et le montage surtout. L'idée c'était qu'elle n'a pas mis de filtre et elle n'a absolument pas retouché les niveaux de la piste. Donc il va y avoir la ligne sonore qui va se dérouler et là on va entendre tous les différents endroits où on l'a laissé se réserver. On l'a laissé résonner. C'est parti. C'était donc le montage de Marie. Et ensuite, on va entendre le mien. Juste avant, je voulais juste rajouter que la chanteuse lyrique s'appelle Lorraine Tisserand. Et puis dire aussi qu'il y avait 8 points d'écoute. Voilà, donc a priori, vous avez entendu 8 points d'écoute différents dans le parc et aux abords. Et donc moi, j'ai continué sur cette lancée, mais je me suis quand même plus... Ce qui m'a plu dans cette consigne, c'était plus la rigidité du protocole au début et ensuite de jouer avec ça, parce que j'aime bien avoir des consignes assez rigides pour pas partir dans tous les sens. Et du coup, c'est plus ça qui m'a bien plu. Et donc, j'ai fait autre chose et je me suis permis de retoucher au volume et de retoucher un peu plus à la musicalité de tout ça. Voilà. Je crois que là, on entend bien les différentes réponses sonores à une même excitation du parc et des bâtiments différents, aussi bien en termes d'acoustique que de richesse de l'environnement sonore. Donc ça, c'était un peu voilà, ce qu'on voulait montrer à travers notre démarche. Et je ne sais pas, Lana, si tu veux rajouter quelque chose à propos de ce montage particulier ou si tu veux après expliquer ce qu'on en a fait, tous les deux, après autrement. Alors, ce qu'on a fait tous les deux au tout début du projet, on a pris en charge le fait de répertorier différents lieux aux acoustiques particulières au sein du parc et autour du parc. Et ensuite, dans la suite de ce premier pan de travail, on a décidé tous les deux pour produire ce qui allait ensuite devenir l'habillage de cette émission. De produire des petites virgules, des petits tapis avec des sons qui ont été pris donc, dans ces lieux spécifiques où en fait on s'est amusé à chercher quel type de son, avec quel timbre de voix, avec quelle percussion on allait réussir à faire résonner au mieux les lieux. Donc voilà, les petites choses que vous entendez parfois entre deux productions sonores sont celles-ci. On arrive bientôt au terme de cette émission. On peut peut-être profiter de la présence de plusieurs, d'un très nombreux en fait, groupes autour de la table et à la fois dans la salle pour réagir à cette expérience, puisque ce que vous avez entendu au cours de cette émission, ce sont des expériences, des tentatives, des propositions. Mais c'était surtout aussi une semaine d'expérimentation, de collecte, de discussion entre les participants, de choix, de montage. Certains n'ont pas été diffusés à l'antenne aujourd'hui. Alors, peut-être pour commencer, ma première question serait finalement cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé expérimenter que vous n'avez pas expérimenté dans la durée de cette semaine ? Victor, par exemple ? Oui, si j'arrivais à mettre le micro en face, ok. Pardon. Ouais, moi j'aurais adoré enregistrer un ballet de feuilles mortes. J'aurais trouvé ça très, très beau de faire l'écho de matière anciennement vivante. Ça aurait été poétique peut-être. Il n'y avait plus de feuilles mortes peut-être pour faire ça ? Il y avait des feuilles mortes, mais il n'y avait plus le temps. Est-ce que autour de la table ou dans le public, vous aviez d'autres idées, oui, Louise ? Alors à disposition, parmi le matériel, il y avait un piège acoustique. Et c'est vrai que moi, ça m'aurait peut-être intéressé aussi d'aller explorer les sons de ce parc la nuit. Et peut-être de le déposer en fin de journée pour voir les sons quand personne n'est là dans le parc. Voilà, c'est aussi peut-être des choses que j'aurais aimé explorer moi cette semaine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, qui ont détonné par rapport à l'imaginaire que vous faisiez de cette thématique ? Alors, moi, je repense aux chiens. Sur le coup, c'est vrai que quand il y a eu cette idée, j'ai pas forcément, ça m'a pas percuté comme idée, mais là, en écoutant, j'aurais trop aimé en savoir plus sur qu'est-ce qu'entend un chien depuis le haut de sa tête, quoi, et surtout qu'est-ce que ça fait comme bruit quand il aboie. Et je pense qu'on saura jamais. Mais oui, complètement, ça ouvre plein de questions et je pense que une honnêteté un peu transparente, ce serait de dire qu'on ne saura jamais, mais c'est vrai que c'est super chouette d'avoir un peu des dispositifs qui font un pas vers un autre point d'ouïe, tout en gardant en tête que ce n'est absolument pas la manière dont il entend. D'ailleurs, dans les enregistrements, je ne sais pas du tout si on capte, mais qu'on a diffusé, il y a la voix du maître qui est très, très, très, très loin. Le sifflement, ça va, mais la voix du maître est très, très, très loin. Et ça, c'est absolument pas une réalité de ce qui se passe dans la tête du chien. C'est que des biais techniques, quoi. Mais c'est rigolo, ça fait un pas un peu vers l'altérité de notre perception du monde. J'avoue, je me suis un peu identifiée, du coup. Je me suis identifiée au chien, quoi. Du coup, je pensais pas que ça marcherait aussi bien que ça, de se dire, là, on est sur la tête d'un chien, donc je me projette en écoutant. Alors, moi, pour revenir sur les enrichissements de cette semaine et de cette école d'hiver, en dehors du fait qu'on a beaucoup parlé et manipulé des environnements sonores en milieu urbain, etc., il y a tout l'aspect pratique aussi d'avoir participé au montage d'une émission de radio et personnellement d'avoir pu fabriquer ces petits sons qu'on entend à la radio, ce qu'on appelle les virgules, le tapis sonore, ça, c'est une découverte. Donc on a fabriqué ça, donc ce qui passe le fond sonore pendant les présentations, au début, à la fin de l'émission, tout ça. Donc c'est une richesse assez multiple et c'est une grande qualité, je pense, de cette école d'hiver d'aborder une thématique et de pouvoir toucher à plein de choses différentes selon les envies et les capacités et de faire des belles rencontres aussi. Alors moi, je voulais surtout réagir déjà pour vous remercier tous parce que j'ai passé une super belle heure à écouter tous vos travaux. Et donc, merci beaucoup pour ça. Et après, la deuxième chose que je voulais dire, ça résonne un petit peu avec ce que vient de dire Paul, mais c'est un petit peu une question, en fait, une question à tous, ouverte à tous, c'est qu'on a beaucoup parlé du vivant, justement, de l'objet d'étude un peu de la semaine, et cette pratique un peu particulière d'être à la radio, qu'est-ce que ça vous fait pour ceux qui connaissent moins, et puis même, qu'est-ce que ça vous fait pour ceux qui connaissent ? Est-ce qu'il y a des... Voilà, est-ce que ça a amené des choses en plus pour vous, dans la pratique du son ? Ça donne envie de revenir, ça donne envie de refaire, ça donne envie d'explorer un peu plus le format radio, ça donne envie d'explorer un peu plus le format sonore. J'ai envie d'en savoir plus aussi sur les outils, tous les différents micros qu'on a pu voir, tous les différents formats sonores qu'on a pu voir aussi cette semaine, entre les paysages sonores, les balades sonores, les compositions, plus musicales, moins musicales. En fait, ça fait couvrir un nouveau panel, un nouveau champ d'action. Donc, merci en retour pour tout ça. Moi, je suis toujours étonnée par la diversité des points de vue. Et on imagine toujours qu'on sait quelque chose. Et en fait, on découvre toujours, en travaillant avec d'autres personnes, à quel point le monde est infini. Et moi, j'ai été vraiment complètement avec des oreilles nues à vous écouter, à expérimenter avec vous cette semaine, et les échos du vivant, je pense qu'on n'a vraiment pas fini de pousser la porte de ce que ça peut être. Je crois qu'on en est vraiment qu'au tout début. Et moi, ça me donne envie, du coup, maintenant, de mettre un micro-contact sur la poitrine d'un chien pour voir ce que ça donne en termes de vibration. Alors, ouais, bon courage pour ça. Je pense qu'on a eu une belle expérience là. Je ne sais pas si Louis, tu en parlais un peu ou pas, mais c'était pas facile de poser des micros sur les chiens. Oui, c'est vrai que tous ces chiens étaient consentants, mais quand même, voilà, c'est vrai qu'on les a pas vraiment épargnés et voilà, ça heurtait à quelques petites difficultés techniques. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est intéressant, en tout cas, comme premier pas pour aller explorer d'autres choses, peut-être décaler un peu l'écoute de ce que, quand on est dans le quotidien et que on ne prend pas forcément le temps pour se poser, pour écouter. Donc c'était aussi l'enrichissement de cette semaine, ces rencontres entre des nouvelles personnes et aussi de nouveaux espaces. Pour ma part, c'était une de mes premières fois à Grenoble, donc c'était aussi très intéressant de découvrir cette ville par le son. Merci beaucoup. Je crois que cette question de comment le son peut décaler nos habitudes, c'était vraiment au centre de cette semaine, de cette exploration. Et c'est pas, ça passe par des petites choses. Et juste, l'exemple du chien, c'est probablement le plus facilement parlant. Juste de mettre des micros à cette taille-là, à cette échelle, et comment ça te déplace le sonore, ça montre la puissance de cette entrée sur ce que c'est la ville, ce que c'est ses voisinages, sa fabrique, comment on peut le décrire, comment on peut le nommer, mais aussi comment on peut le transformer. On arrive au terme de cette émission en direct. On va en profiter sur ce tapis sonore justement réalisé par Paul et Lana, pour remercier tous les participants. Merci beaucoup à elles et eux pour leur présence. Lana, Paul, Marie, Jérémy, Myriam, Christiane, Clémence, Sacha, Mathilde, Louise, Victor, Alice, Sarah, Jeanne, Raymond, Elsie, Julie, Julien, Sylvain, Ellie, Jean, Sangmin. Merci également aux organisateurs de cette semaine, Théo, Marc, Paul, Cédric, Jules et Lolita. Mais aussi aux intervenantes de la semaine, Mathias, Nicolas, Léon, Alix, Bernard, Claire-Lie, le collectif Apnée, Louis à la technique, que l'on remercie très chaleureusement. Et on vous souhaite une très belle continuation en espérant que les échos du vivant ne cessent de résonner en vous et ailleurs. Vous pouvez retrouver les créations sonores et les récits de ces expériences sur le site internet du laboratoire AAU Cresson. À bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Super.